force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Contemple la grandeur de Dieu, contemple sa magnificence. Ne regarde plus à tes échecs, ne regarde plus à ton passé sombre. Regarde la grandeur de Dieu. Sache que Dieu veut t'annoncer de grandes choses. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Oui, de grandes choses, il faut que tu dises de grandes choses. Il y a de grandes choses qui t'attendent, c'est moi. Tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi. Saisis cela dans la prière. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous allons prier. Notre passage du jour, c'est Matthieu 5, 27 à 32. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire Matthieu 5, 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, faisons attention à la convoitise. La convoitise se manifeste de plusieurs formes. Souvent, les gens parlent seulement de l'adultère. Jésus a dit, c'est vrai dans la loi, on dit tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère consiste à aller avec un homme qui n'est pas ton mari. Et pour une femme, aller sortir avec un monsieur qui n'est pas ton mari. Jésus dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et aujourd'hui, même dans l'église, il y a beaucoup de gens qui commettent l'adultère, qui trompent leur femme. Mais Jésus va dire, mais moi je vous dis, cela veut dire quoi? Jésus veut aller plus loin. Il va dire que ce n'est pas seulement le fait de commettre l'acte physique. Mais moi je vous dis, c'est lui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Et combien d'entre nous ont déjà commis l'adultère dans le cœur? Et ceci commence avec ce que nous regardons dans des films pornographiques. Je vais demander à un monsieur, regarde, tu es marié. En principe, quand il fait 22h, 23h, quand madame te dit, allô maintenant dormir, toi tu restes au salon. Tu restes au salon pour faire quoi? Et c'est pour prendre le téléphone, pour recevoir des appels bizarres. Pour regarder des films un peu bizarres. Et quand tu as ces films-là, ça commence à créer des idées impures. Vous voyez, souvent, la convoitise commence avec des choses impures que nous regardons. Mais quand tu regardes une femme, regarde, lorsque tu es là, tu aimes toujours regarder des jeunes filles quand tu les regardes avec les yeux doux. Le Seigneur dit, quand tu convoites une femme là, avec l'idée déjà de la convoiter, tu vois déjà même sa nudité dans les pensées, tu as déjà commis l'adultère. C'est pourquoi il faut prier souvent que Dieu nous préserve au niveau de nos pensées même. Parce que c'est là où les choses commencent, vous voyez. Il dit, celui qui convoite une femme, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez, ça commence au niveau des yeux. Tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Quand tu regardes un mari d'autrui, une femme d'autrui, tu les regardes avec quelle intention? Je parle à toi, mon ami. Chaque fois que tu croises une femme, surtout quand tu vois une femme de teint clair là, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu vas regarder jusqu'à un moment donné, tu voulais même faire un accident dans la voiture parce que tu ne sais pas te maîtriser quand tu regardes, tu vois une femme d'une certaine taille ou d'une certaine couleur. Parce que tu regardes les femmes pour les convoiter. Jésus dit, quand c'est comme ça, tu as déjà commis un adultère. Et c'est la même chose que quelqu'un qui a déjà commis l'acte. Vous voyez? C'est en cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Donc, Jésus est beaucoup plus dur dans la nouvelle alliance. Il montre que nous devons aller au-delà de ce que l'ancienne alliance a dit. Nous devons aller même au niveau de l'esprit de la loi, la pureté du cœur. Deuxième vérité, évitons tout ce qui constitue les occasions de chute pour nous-mêmes et pour les autres. Vous voyez? C'est ce que Jésus veut dire, une occasion de chute. Si par exemple, tu te rends compte que ta manière de t'habiller fait que beaucoup de messieurs te sollicitent, je vais demander à une jeune fille, regarde, ton problème c'est l'habillement. L'habillement, tu aimes des habits qu'on appelle sexy. Il y a des habits qu'une femme mariée ne peut pas désirer. Hein, tu dis, il y a mes patrons qui me dérangent. Mais regarde toi-même là, la manière dont tu t'habilles. Tu portes des habits qui te serrent, qui laissent tes rondelles, qui serrent ton corps. Fais attention, mon ami. Fais attention. Parfois, c'est ça l'occasion de chuter. Mais il y a l'habillement. Là. Quand tu t'habilles comme ça, c'est tout à fait normal que les gens vont te déranger maintenant, en cours de route. Parce que c'est comme si ton habillement les invite. Fais attention. Il y a des parties du corps que tu ne peux pas exposer quand tu es chrétien. Il y a d'autres personnes, son occasion de chute, c'est la manière de parler. Quand tu parles là, tu parles de manière séduisante. Tu parles comme une femme libre, une prostituée. Même ta manière de rire. Aujourd'hui, même dans l'église là, il y a des gens, la manière de saluer. Comment tu peux aller saluer le pasteur? Tu veux l'embrasser comme si tu étais sa femme. Non, mais attention, même quand tu appelles ton pasteur daddy, il faut avoir du respect. On ne peut pas embrasser n'importe comment un homme de Dieu. Il faut des distances. Il faut un certain respect. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'il y a des gens, quand il y a une grande familiarité, ça va déboucher à autre chose. Je parle à toi. Tu reconnais ça, non? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle occasion de chute. C'est-à-dire quelque chose là. Tu vois que quand tu fais ça, ça te fait tomber. Je parle aussi à quelqu'un. Toi, c'est la boisson. La boisson là, ça te donne quoi? Quand tu aimes la boisson, tu aimes l'alcool. Tu ne vois pas que chaque fois que tu bois, ça t'incite maintenant à commettre l'immoralité. Chaque fois que tu vois, tu bois, tu n'arrives même pas à t'organiser au point que tu commences à dépenser bêtement. Jésus dit ceci, au verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Jésus ne veut pas dire que maintenant il faut prendre couteau pour enlever l'œil, non. C'est une façon, un langage imagé. C'est-à-dire, il faut te débarrasser de tout ce qui constitue une occasion de chute. Il faut laisser ça. Il y a des gens qui s'attachent à la musique mondaine. Mon ami, regarde dans ta voiture là. Tu as toutes sortes de CD. Musique profane, musique religieuse. Pour toi, on dit c'est la même chose. Mais est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des musiques quand tu entends ça? Ça te remet 10 ans en arrière. Ça te rappelle comment tu sortais avec tes amants. Est-ce que ça te rapproche de Dieu ou bien ça t'éloigne de Dieu? Et si tu t'éloignais, si tu t'es débarrassé de tous ces CD profane là, tu perdrais quoi? C'est une occasion de chute pour toi. Donc, examine bien ta vie et débarrasse-toi de tout ce qui est comme une occasion de chute. Il dit au verset 30, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Géhenne. » Troisième vérité concerne les divorces. Les divorces ne font pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Jésus dit au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ici Jésus parlait aux Juifs. Parce que dans le livre de Deutéronome, Moïse avait permis aux gens de répudier leurs femmes en leur donnant la lettre de divorce. Ce n'était pas la volonté parfaite, c'est parce qu'il y avait un danger pour éviter l'arbitraire. Le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite, mais ça fait partie de ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu permet. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Même quand ici il dit « sauf pour infidélité », cette clause ne se trouve que chez Matthieu. Ça veut dire que, comme certains considèrent que c'est l'adultère qui est considéré comme le péché le plus grave, même là, dans d'autres passages bibliques, le Seigneur montre qu'on peut pardonner. Donc, ce que nous devons retenir, que le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Parce que Jésus va dire dans un autre passage, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le mariage est un lien indissoluble. C'est pourquoi je parle à toi. Tu te prépares au mariage. C'est maintenant que tu dois prendre les choses au sérieux. Il ne faut pas entrer dans le mariage vite, vite, sans prier, sans discerner. Parce que le mariage, c'est un lien indissoluble. Il ne faut pas dire, je vais essayer. Si ça ne marche pas, on va se séparer. Non, mon ami, tu te trompes. Quand tu entres dedans là, si vous êtes présenté devant l'autorité civile, on vous a béni, c'est fini. Il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Affaire que nous voyons aujourd'hui, oh, Dieu m'a révélé, il est sorcier, il est sorcière. Ça c'est trop facile, ce n'est pas une raison pour divorcer. Il faut réfléchir bien avant. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui va épouser une femme répudiée commet adultère. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as divorcé, cela veut dire que tu acceptes de payer le prix de rester toute ta vie célibataire. Tu ne dois plus te remarier. Parce que si tu te remaries, tu commets l'adultère. Jusqu'à ce que ton premier mari ou ta femme là meure. Alors là, il ne faut pas souhaiter qu'il meure. C'est pourquoi nous devons comprendre que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous devons prier aujourd'hui pour les jeunes gens, les jeunes garçons, les jeunes filles qui veulent se marier. Nous devons les préparer pour qu'ils comprennent qu'est-ce que le mariage. On ne se marie pas pour divorcer, on se marie pour la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter ce cantique pour lui dire merci pour toutes ces révélations. Thank you. mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, les rocs sur qui j'ai fondé. À Dieu. Élevons nos voix pour dire merci à Dieu. C'est Dieu qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui. Il nous a protégés. Il nous fait du bien. Il pourvoit nos besoins. Bénissons son saint nom. Nous bénissons ton nom, nous te remercions, nous te glorifions. La Bible dit car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Heureux l'homme qui se confie en toi. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui as institué le mariage. C'est toi qui a donné naissance au mariage. Et c'est toi qui es à la base de toute famille. Et tu nous enseignes et tu nous dis que l'adultère est du péché. Tu nous dis que la fornication et tout ce qui est des vices, ce sont des pratiques à proscrire dans notre vie. Et nous voulons te bénir pour la préservation que tu donnes à tes enfants. Merci parce que tous ceux qui sont sur la voie des divorces, en ce moment précis, tu les convaincs et toutes ces personnes et ces couples renoncent à cela. Merci pour toutes les personnes qui se préparent au mariage. Merci de les aider à faire le bon choix, à prier et à recevoir de toi ta volonté. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, que après s'être engagé, après avoir consommé le mariage et renoncé à la femme que tu nous as donnée, trouver des prétextes pour divorcer. Béni sois-tu pour l'aide que tu accordes à chacun de nous. Sois loué parce que tu gardes et protèges les mariés, tu protèges les hommes et les femmes, tu protèges nos vies et tu nous aides, ô Dieu, de t'invoquer chaque jour dans nos foyers pour que ta bénédiction soit au milieu de chaque famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir que nous devons faire attention à la convoitise. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous convoitons les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Et Jésus dit, quand nous convoitons des yeux, nous avons déjà commis l'adultère. Demandons pardon au Seigneur, qu'il nous purifie, qu'il purifie nos pensées et qu'il nous aide à discipliner nos yeux afin que nous puissions être préservés de la convoitise. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donnes chaque jour, ce matin, nous demandons au Père éternel de recevoir notre prière de reconnaissance et d'action de grâce. Nous prions ce matin en nous humiliant devant toi. Nous demandons, Père, que tu nous débarrasses de toute forme de convoitise. Nous renonçons à tout ce qui ne contribue pas à la purification de notre âme. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que l'Esprit Saint nous donne la force de nous détourner de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, la convoitise des yeux. Nous prions dans le nom de Jésus et nous demandons pardon, Père éternel, pour tout péché de convoitise que nous avons déjà commis. Et nous prenons la résolution, nous prenons l'engagement de nous détourner d'une telle pratique. Fortifie-nous, Père éternel, que ta grâce et ta faveur soient toujours avec nous. Donne-nous cette grâce, donne-nous cette force pour prendre autorité sur les manipulations sataniques qui nous donnent cette propension, cette inclinaison de regarder ce qui n'honore pas le Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour la sécurité que tu nous donnes. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier par rapport au divorce. Nous voyons qu'il y a beaucoup de couples qui connaissent des problèmes de divorce. Même au niveau des chrétiens, même les hommes de Dieu, les servants de Dieu, il y a un esprit qui s'est infiltré. Prions le Seigneur, combattons cet esprit de divorce. Combattons cet esprit qui vient miner nos foyers pour déstabiliser le foyer, pour déstabiliser les familles, pour déstabiliser l'église et déstabiliser même la nation. Prions même pour les autorités. Quand quelqu'un occupe une fonction élevée, l'une des choses où ils sont souvent attaqués, c'est la famille. Beaucoup de gens divorcent, ils ne sont plus avec leurs femmes. Ils prennent les jeunes filles, ils prennent des maîtresses par-ci, par-là, alors que ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Prions pour ces femmes qui sont abandonnées par leurs maris et qui croupissent dans la misère. Prions pour que Dieu les fortifie. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous te remercions ce matin pour cette révélation importante par rapport à la prière sur le divorce dans nos églises, même dans le milieu évangélique, au niveau des serviteurs, des prétendus serviteurs de Dieu, qui parlent aujourd'hui des femmes du ministère et qui abandonnent la femme de la jeunesse. Et Seigneur, tu es cela. Parce que tu nous dis dans ta parole dans Matthieu 19, à partir du verset 7, « Pourquoi donc lui dit-il Moïse, a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et la répudier ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a permis de répudier vos femmes. Sinon au commencement, il n'en est pas ainsi. » Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à lire ta parole. Aide-nous à obéir à ta parole. Nous prions ce matin, ceux qui sont sur le point de divorcer, à lire ta parole, à ne pas désobéir à ta parole, à ne pas, notre Seigneur, rejeter ta parole à cause de la dureté, du manque de pardon, du manque d'amour, du manque de courage, que l'humilité, que le pardon, que la réconciliation, que l'amour de Dieu nous habite sur tout ton esprit. Merci Père, louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin.